Chapitre 24. Les faux-semblants de la traque de Ben Laden. Il peut sembler paradoxal d'inclure dans un livre noir de la CIA ce qui semble être un des plus grands succès de l'agence, la localisation puis l'élimination du dirigeant d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden lors d'un raid des forces spéciales américaines Navy SEALs à Abbottabad au Pakistan dans la nuit du 1er au 2 mai 2011. Quelques heures plus tard, le président Barack Obama est venu en personne annoncer devant les caméras la mort de celui qui était depuis 10 ans l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Ce coup de force est soudain venu redorer la médaille ternie de la CIA après 10 années d'échec contre le terrorisme. Tout porte aussi à croire qu'Obama, jusqu'alors jugé timoré, en a tiré les dividendes politiques. L'événement a forcément contribué à sa réélection pour un deuxième mandat. Il est en effet devenu très difficile à ses challengers républicains de lui contester une stature de chef de guerre inflexible. En autorisant le raid en territoire étranger, Obama a pris le risque de se retrouver dans la situation d'un Jimmy Carter après la tentative ratée de libération des otages de l'ambassade américaine de Téhéran, affaiblie et discréditée. Dans son cas, le risque a payé. Obama ne restera pas dans l'histoire des États-Unis que comme le premier président noir, mais aussi comme celui qui aura vaincu Ben Laden. Malgré les cafouillages et contradictions des premiers récits livrés par divers acteurs de la Maison-Blanche, une véritable mythologie s'est forgée autour de cette intervention. Elle a pris forme dans des récits journalistiques, le livre de Peter Bergen en offre un bon exemple, des témoignages de membres du commando, tel le récit de Mark Owen, et d'innombrables articles et débats sur le thème « Fallait-il tuer Ben Laden ou le capturer pour le faire juger ?» Hollywood est venu parachever dès 2012 cette geste héroïque avec un film très documenté de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty. Celui-ci est centré sur l'agent de la CIA Maya, incarné avantageusement par Jessica Chastain, dont nous suivons l'enquête obsessionnelle des années durant pour trouver la trace de Ben Laden grâce à un de ses messagers. Le film, remarquablement réalisé, n'élude pas la réalité des tortures. Sa dernière partie reconstitue le raid de façon spectaculaire, avec des caméras au cœur de l'action. Récompensé par un Oscar, un Golden Globe de la meilleure actrice pour Jessica Chastain et de multiples prix, Zero Dark Thirty réconcilie l'Amérique en célébrant ce succès militaire et de renseignement, sans nier qu'il a fallu se salir les mains pour en arriver là. Pour une fois, la Maison-Blanche, le Pentagone et même la CIA semblent avoir accueilli à bras ouverts les scénaristes, sans se soucier du secret défense en vigueur habituellement. Tout cela semble s'emboîter à merveille. Seulement voilà, quelques années plus tard, les coutures du récit craquent déjà de partout. Une héroïne contestable. Au sein même de la CIA, de nombreux agents se sont étranglés de découvrir que l'on avait choisi de désigner pour héroïne de cette histoire une responsable pour le moins controversée, le modèle de la fameuse Maya. Aucun grand journal américain n'a osé publier son identité, finalement dévoilée fin 2014 par le site The Intercept de Glenn Greenwald. Alfreda Bykovsky est une figure de l'antiterrorisme à la CIA, où elle officie depuis la fin des années 1980. Un média suisse, le site d'information www.7.info, a publié une enquête fouillée sur son compte. Et le récit du journaliste Fabrizio Calvi est accablant. Sinistre héroïne des guerres secrètes américaines, elle est au cœur des dérapages dans la lutte contre le terrorisme islamiste depuis le début du siècle. Dès 1996, cette ancienne analyste de la division soviétique rejoint la bientôt célèbre Alec Station, l'unité anti-Al-Qaïda en cours de constitution. Fin 1999, l'équipe apprend que 2 membres identifiés d'Al-Qaïda doivent se rendre à une réunion à Kuala Lumpur pour préparer un attentat dans un lieu inconnu. Or, les deux hommes disposent d'un visa américain. Un agent du FBI, détaché auprès d'Alex Station, veut en informer immédiatement son agence, car ces éléments constituent une menace directe pour le territoire américain. Mais les responsables d'Alex Station bloquent la transmission. Les deux suspects se nomment Khalid al-Mindar et Nawaf al-Azmi. Ils vont pouvoir s'installer tranquillement aux États-Unis, y suivre des cours de pilotage et participer aux attentats du 11 septembre. À l'été 2001, Alfreda Bykowski est devenue la numéro 2 d'Alex Station. Témoignant devant la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre, elle affirme que la CIA a transmis au FBI les éléments dont elle disposait sur le visa américain d'al-Mindar. Rien ne vient sanctionner son mensonge, bien au contraire. En 2007, elle témoigne aux côtés du directeur de la CIA, Michael Hayden, devant la commission sénatoriale du renseignement. Elle affirme que la torture a permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies américaines. Ses collègues la décrivent comme fascinée par les séances de torture pratiquées dans les prisons secrètes de la CIA à l'étranger, au point d'y participer parfois elle-même. En 2004, elle s'acharne sur un jeune Allemand d'origine libanaise, Khalid el-Masri, confondu par la police macédonienne avec un homonyme terroriste d'Al-Qaïda. Elle le fait expédier dans une prison secrète en Afghanistan où il est torturé. Devant l'obstination d'Alfreda, ses collègues doivent saisir de l'affaire le directeur George Tenet, lequel ordonnera la libération du jeune homme. Ce genre d'incident ne semble avoir aucun effet négatif sur la progression de carrière d'Alfreda, puisqu'elle sera par la suite nommée responsable de l'unité Global Jihad. En 2009, elle doit affronter un autre scandale potentiel. Les services secrets jordaniens qui collaborent avec la CIA pensent avoir retourné un médecin nommé Al-Balawi, qui fréquente les dirigeants d'Al-Qaïda et accepte de collaborer à leur arrestation. Les Jordaniens offrent leur recrue à la CIA, qui accepte. De par sa position, Alfreda supervise depuis Washington le recrutement qui doit s'effectuer en Afghanistan via une équipe locale de la CIA basée au camp Chapman, près de Khost. Al-Balawi s'y rendra seul en voiture, mais pose comme condition de ne pas être fouillé à l'entrée, pour que les gardes locaux ne puissent voir son visage. Alfreda accepte. À l'arrivée, 5 agents de la CIA accueillent Al-Balawi. L'homme déclenche alors une ceinture d'explosifs qui les tue tous. La méprise sur les intentions du défecteur fait partie des risques du métier. Mais le non-respect des règles élémentaires de sécurité se solde par un coût humain très élevé, qui ne sera pas sanctionné. Quelques mois plus tard, Ben Laden est localisé à Abbottabad et va faire bien malgré lui d'Alfreda une héroïne hollywoodienne. À suivre l'enquête de Fabrizio Calvi, l'héroïne que les autorités américaines ont fait célébrer serait donc plutôt un concentré des erreurs et des crimes de l'agence dans le cadre de la lutte antiterroriste. N'ayant pas que des amis au sein de la CIA, elle a visiblement bénéficié d'appuis fidèles à Washington, dans des milieux pour lesquels l'usage de la torture n'est pas un problème.